On se connaît depuis petit peu, il fait partie de ma famille. Même si les années passent et que mes amitiés ont fané. Pour lui, je pourrais rafaler sur l'ennemi parce que je le valide. Y aura des balles perdues comme dans le cartel de Cali. Bang, bang, bang, bang. Un peu trop de grammes ici, une balle dans la cabeça. Bébé, si t'es dans ma cible, t'es dans la merde. Affaire classée homicide, là je suis posé à la cité. Chaque me passe un coup de fil. Bang, bang, bang, bang. Mes frères ont pris des années. Mes frères ont pris des années. Nos peines, nos larmes sont salées. Mes frères ont pris des années. La moula cellophanée. On restera deux frères avec un mental en béton. Fleury ou Nanterre, y'a que le ciel qui te répond. J'ai assumé ta peine, j'ai pas trouvé ça embêtant. Ma vie s'est arrêtée le jour de ton enterrement. On restera deux frères avec un mental en béton. Fleury ou Nanterre, y'a que le ciel qui te répond. J'ai assumé ta peine, j'ai pas trouvé ça embêtant. Ma vie s'est arrêtée le jour de ton enterrement. On restera des frères avant tout. Tu te rappelles maman t'aimais trop. Le passé m'aide ou me rattrape. J'ai le cœur noyé dans les blêmes pro. J'vends plus ça. J'suis en hess. Les petits gras ils m'ont dépassé. J'suis trop là. J'ai pas un. J'suis à deux doigts de faire une dinguerie. Et qui pense à moi. J'vais faire des sous ma mère vieillie. J'ai toutes les cartes en main. Mais j'sors du j'tard et j'ai grandi. T'es sur un autre chemin. On se voit de loin. Le cœur est prêt. J'fais des affaires. Mais y'a des traits. Des larmes couleront. Demain j'suis mort. Mes frères ont pris des années. Mes frères ont pris des années. Nos peines, nos larmes sont salées. Nos peines, nos larmes sont salées. Mes frères ont pris des années. La moula cellophanée. On restera deux frères avec un mental en béton. Fleury ou Nanterre, y'a que le ciel qui te répond. J'ai assumé ta peine, j'ai pas trouvé ça embêtant. Ma vie s'est arrêtée le jour de ton enterrement. On restera deux frères avec un mental en béton. Fleury ou Nanterre, y'a que le ciel qui te répond. J'ai assumé ta peine, j'ai pas trouvé ça embêtant. Ma vie s'est arrêtée le jour de ton enterrement. On sera archimeux demain. Y'a des villes, c'est qui encaisse. Celui qui le dit qui encaisse. Que des salopes à part entière. Peut faire le tour de la terre. J'aimerais toujours faire le tour de ma tête. J'suis de la team fédérateur. Loin de la team des faux rappeurs. J'en laisserai même pour les autres. Même si mais c'est que les autres. Tu fais du bruit, ça résonne. C'est en silence que j't'assomme. On fait comme si tout allait. J'ai checké l'ennemi tout à l'heure. Et après on passe à l'acte. Bang bang bang bang. On restera deux frères avec un mental en béton. Fleury ou Nanterre, y'a que le ciel qui te répond. J'ai assumé ta peine.